Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Non. Je m'appelle Emmanuel Henbert, je serai votre présentatrice du jour. Nous sommes au moment de la sortie de cet épisode le 6 février 2023. C'est l'épisode 19 de la saison 4 dont on n'a rien préparé. Et si vous appréciez ce que vous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous recommander sur Spotify et autres en mettant plein de petites étoiles pour améliorer notre référencement. Et si vous en avez les moyens et l'envie, à faire un tour sur Utip, mais ça, je vous en parle en fin d'émission. Si vous avez... Tu nous en parles ou tu nous en fais autre chose? On ne sait pas, parce que même ça, on ne l'a pas vraiment préparé. Vous avez reconnu sans doute, si vous êtes habitué à l'émission, sa voix formidable. Il s'agit d'Hichamel Amouri. Salut. Il est gêné maintenant. Et non, ça y est, elle a passé le cap où elle ne peut plus s'empêcher de faire des harmonies à chaque fois qu'on chante à côté d'elle. C'est oui, Ise Brassel. Bienvenue dans le club. Oui. Les gens, on a tellement raté notre high five. Attends, on recommence, il était nul. Il faut viser le coude. Oui. Attends, yes. Faut pas dire à tout le monde. Si, tout le monde, pour que tous les high five du monde soient. Mais oui, soyons. Améliorons-nous. Il ne faut pas réfléchir dans cette logique de pénurie, quoi. Logique de pénurie. D'accord. Plus de gens le savent, plus de gens peuvent le faire, plus de gens sont heureux. Plus de high five. Plus de high five. Eh bien, Hicham, Ise. Oui. Comment s'est passé votre mois de janvier? Est-ce que ça a été... Est-ce que vous avez fait le dry January? Le quoi? Alors, c'est les gens qui ont beaucoup bu pendant le mois de décembre et les fêtes et qui du coup, disent beaucoup pas d'alcool pendant... Enfin, beaucoup plus d'alcool. J'ai fait ça. Il se trouve que le 23 décembre, donc la veille de Noël, j'ai appris à porter des toasts à la façon russe orthodoxe. J'ai fait des shots à la vodka avec mes amis et il s'est passé... Ah, porter des toasts, ok. Ouais. Je croyais que... prendre un toast et le porter, genre quoi, il y a une manière seulement avec le majeur et l'index. De soulever des toasts. Non, c'est juste que c'est à la vodka et tu dois porter un toast avec beaucoup de panache et tu peux être contre-toasté. Enfin bref, il y a plein de règles. Ah, ça m'étonne pas que ça te plaise. Ça m'a beaucoup plu et le problème, c'est que ça a fini mais en une bouteille et demie de vodka sifflée à 4. Wow. Et la veille de Noël, je le rappelle. Il s'est passé des trucs beaucoup pas trop catholiques, mais ça, je vous l'expliquerai en dehors de l'antenne. Orthodoxe. J'ai regardé son coude. Donc oui, je ne bois plus depuis plusieurs semaines à cause de ça. Bien joué. Traumatisé. Donc la vodka t'a un peu forcé. Enfin les russes orthodoxes. Mais oui, c'est ça. Les catholiques protestants. Parce que je sais qu'il y a les catholiques et les chrétiens, je sais jamais les chrétiens. Il y a catholiques et il y a orthodoxes. Ah donc les chrétiens, c'est beaucoup de blancs. Puis les orthodoxes, c'est aussi des blancs, mais c'est tous les chrétiens. Tous les orthodoxes sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas orthodoxes. Et les catholiques ne sont pas des orthodoxes. Non. Très bien. Ils sont chrétiens. Eh bien, nous venons de vous prouver que On n'a rien préparé n'est pas un podcast sur l'histoire des religions. Non. Ou sur les différentes manières d'être chrétien aujourd'hui. Que ce soit de concret, en fait. Ben, quelque part, non, mais c'est aussi ça qui le rend chouette. Oui. C'est un podcast d'improvisation théâtrale. Et on est parti ensemble pour 3 improvisations pour environ une demi-heure d'émission, même si la réalité a prouvé que c'était une vérité très variable. Et ça commence tout de suite avec une improvisation que nous amène Ise. Oui. Je suis hyper excitée pour cette improvisation. Manu et moi avons penché et avons fait des yeux de manga. Je vais me calmer et expliquer ceci avec beaucoup de sérénité. Je te propose de ne pas te calmer. D'accord. C'est ça. Chers auditeuristes, je propose une interview sportive. Manu est en charge des interviews littéraires. Hicham est en charge des interviews scientifiques et moi je suis en charge de proposer des interviews sportives. Manu, tu seras l'intervieweuse et tu seras le sportif, Hicham, ou la sportive, comme tu préfères. Et je vais vous donner le sport sans expliquer ce que c'est. Vous allez vous débrouiller avec cette donnée très pauvre, j'en conviens. Et après, je pourrai sortir toute ma science. Mais non, voyons, c'est ça le sport en question. Ah, donc en fait, cette impro vise à te mettre en lumière par la suite. Il faut bien que tu y arrives de temps en temps. Ouin, ouin, bébé. Ouin, ouin. Ouin, ouin, j'adore cette expression. Ouin. Alors, le sport, je vais vérifier que je le prononce bien, s'appelle le botaoshi. Botaoshi, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Yes ! Eh bien, vous allez faire du coup une interview d'un joueur de Botaoshi. Je n'ai pas trouvé de nom spécifique, vous verrez pourquoi plus tard. Ils sont tous morts. Une interview sur le Botaoshi, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le temps d'un oiseau. Une émission où, loin des vicissitudes de cette réalité ultra moderne et ultra rapide, nous prenons le temps d'un arrêt, tel un oiseau. Aujourd'hui, j'ai un plaisir particulier à inviter un invité particulier qui lui-même, en fait, finalement, pratique un sport littéraire, un sport esthétique, comme j'aurais aimé pouvoir en pratiquer un petit peu plus quand j'étais moi-même au collège. Mais c'est à propos de lui et pas à propos de moi. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurices ? Alors ouais, bonjour. Je m'appelle... Saint-François d'Assise, c'est dur à porter, mais c'est comme ça. Être un homonyme d'une célébrité n'est pas toujours simple. Oui, mais c'est mon prénom, ça. J'ai pas de nom de famille. Parce que je pensais du coup que vous vous appeliez d'Assise, mais... Non. Eh bien, écoutez, Saint-François d'Assise... Oui, j'ai laissé un blanc parce que... SFDA, ça marche aussi. SFDA, ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est un deuil, le fait de ne pas avoir de nom de famille, ou est-ce que c'est quelque chose que vous portez bien ? Je sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Bien, écoutez, SFDA, nous ne venons pas ici pour parler de cette absence de patronyme, de cette absence de père, de cette absence de repère, mais plutôt du Botaoshi. Oui. C'est un sport littéraire et esthétique que vous pratiquez. Oui. Pouvez-vous nous en parler plus avant ? Alors, le Botaoshi, c'est moi qui ai inventé ce sport. J'ai travaillé dans la restauration et j'ai vu... Beaucoup. Je travaillais dans un endroit où il y avait des rallyes. C'est intéressant. Des rallyes. Et donc, il y avait des jeunes garçons de mon âge qui étaient tous tellement bien habillés en redingote. Uniquement des garçons ? Non, mais il y avait les filles, mais je regardais les habits des garçons. Ils avaient des super nœuds papillons, tous, ou des cravates, mais j'aimais beaucoup les nœuds papillons. Et en désespoir de cause, j'ai appris à faire des nœuds papillons avec des torchons de cuisine. Et c'était beau. À force. Oui, c'était des. C'était Tao. C'était chi. Non. Non. Non. Je l'ai fait de manière. Je me suis inspiré du tai chi et donc c'est du Botaoshi, donc Botai et tai chi. Voilà. J'ai toujours cru que c'était beau, qu'il y avait un moche Taoshi au départ dont vous avez voulu vous séparer, mais. Mais non, le beau est arrivé tout de suite, dans le nom. Au début, c'était difficile, mais parce que les j'ai pas trouvé de torchons. Et alors, est-ce que vous voulez vous fédérer ? Est-ce que vous voulez que le Botaoshi vive au-delà de vous ? Ou est-ce que c'est un plaisir intime et personnel ? Alors, on a commencé à faire des démonstrations publiques sur la place de Brocaire, à 30 en rang, à nouer des nœuds papillons de manière synchronisée. C'était un grand succès, jusqu'à ce que les brigades anti-émeutes débarquent et nous tapent dessus parce qu'ils croyaient qu'on militait contre l'emprisonnement des Ouïghours. Oui. Pauvres Ouïghours. Pardon, c'est toujours très émouvant. Mais donc, merci. Alors, avant de partir, j'ai ici une citation de Friedrich Nietzsche sur laquelle j'aimerais votre avis. La vie peut être noueuse comme un papillon ou libérée comme une chrysalide. C'est vraiment lui qui a dit ça ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Est-ce que Est-ce que vous voulez répondre à cette phrase ? Non. Eh bien, merci. De rien. Merci, SFDA. Oui, merci. J'espère que, comme nous, vous avez pu voir le vol d'un oiseau et qu'avec nous, vous repartirez dans son mouvement. Au revoir. Merci. Pour l'emprisonnement des gens. Mais merde, non. Non, j'assume non. pas. Et tu l'as dit, ne l'a pas assumé, non. Enfin, alors, tu l'assumes. Ouais, enfin bon. Voilà. Mais c'est un truc de pété. Quoi ? Vous étiez vraiment pas loin. C'est ouais. vrai ? À bow tie, il y a vraiment du bow tie ? Non, c'est pas ça. Oh, oh là là. Arrêtez de vous suivre. Je sais pas ce qu'il y a après. Mais elle est on fire. Non, non, alors le bow taoshi, c'est vraiment très drôle. C'est un sport qui se pratique beaucoup dans les fêtes de lycée japonais. Donc du coup, c'est très drôle quand tu as parlé des fêtes de collège. Et c'est un sport qui se pratique à deux équipes de 75 personnes. Donc c'est vrai qu'on était très proches. Et donc et en fait, il y a un poteau de 3 à 5 mètres au milieu du terrain. Et tu as une équipe qui doit faire pencher le poteau et tu as une équipe qui doit défendre le poteau. Tous les coups sont permis, sauf étranglement et quoi d'autre ? Attends, j'ai les règles. Sauf frapper, étrangler et tout geste dangereux qui pourrait gravement blesser les joueurs. Mais sinon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux traîner la personne. Voilà. Et c'est, les parties durent en général 2 minutes. J'adore. Est-ce que t'as juste tout le monde qui se ruse sur cet énorme poteau ? Et je trouve ça génial. C'est quoi, genre, si le poteau touche le sol, la partie est finie ? Non, c'est à partir du... Alors, à la base, c'était 45 degrés. Si, puis... Donc le poteau est à 90 et s'il arrive à 45, les autres ont gagné. Et maintenant, il y a certaines règles où c'est à 30. Ça dépend des âges et de beaucoup. Il y a eu une scission dans la fédération. Représentatif de l'esprit japonais de collaboration, je trouve ça. Oui. Mais 75 personnes versus 75, quoi. C'est ouf. C'est un truc de pété quand même. J'avoue que déjà, rassembler 150 personnes qui veulent jouer à défendre un poteau ou faire pencher un poteau. Oui, c'est fou. C'est pas évident. Non, c'est clair. Botaouchi. Voilà, okay. Je suis fan de l'idée. Waouh, eh bien merci de nous amener ça. Ouais, parfait. Ça m'évoque un petit peu Alice in Borderland dont je viens de voir la deuxième saison, mais en fait ça n'a rien à voir. Donc nous allons plutôt passer à la deuxième improvisation qui nous est amenée par Hicham. Exactement. Nous allons faire une improvisation, ça me rappelle un poème. Oh, ah, ben voilà, on continue beau, dans le... C'est beau. Ben oui. Dans le poétique, l'élégant, l'éthéré et le vaporeux. Ça tombe bien, je suis sereine et posée aujourd'hui. Je pense qu'elle a exactement la bonne énergie pour que ça se barre en couille, j'adore. Oui. Je suis très impatient. Et je vais vous donner un mot pour inspirer votre début d'improvisation et j'interromprai pour dire oh, bah, ça me rappelle un poème et je ferai un petit buzz comme ça et ensuite on continue. Ça me paraît clair, c'est simple, limpide. Et un petit plutôt, mot. Oui, bien entendu, le mot est charlatan. Oh, généré aléatoirement sur palabrasaléatorias.com. Faut vraiment qu'on les contacte pour un partenaire. Ouais, c'est merci. Pardon. Merci palabrasaléatorias et c'est parti. Comment ça coûte 70 euros? Mais enfin, mais c'est une brouette, monsieur. Bah, c'est une brouette à inversion vaporeuse d'énergie. Mais je ne vais pas payer ça. Vous êtes un véritable charlatan de me faire payer ça. Non, écoutez, vous faites comme vous voulez. Je vous dis simplement que si vous voulez pouvoir transporter des pylônes sans vous fatiguer, il vous faut la X3000. Voilà. Après, vous pouvez prendre une charrette à bras et puis vous fatiguer et dépenser tout votre argent chez le kiné si vous voulez. Dépenser tout votre argent chez le kiné si vous voulez, ça me rappelle un poème. Vous pouvez dépenser votre argent chez le kiné. Vous pouvez vous luxer les épaules et quand vous pleurerez. Ne venez pas pleurer, car la X3000 aura été achetée. Merci, on peut continuer comme si de rien n'était. Oh, c'est un véritable charlatan. Je vais essayer de lui ôter sa brouette en toute discrétion. Alors, si vous voulez, Je peux vous montrer au fond du magasin. Oui, montrez-moi donc au fond du magasin. Oui, vous voilà, c'est une très bonne idée. Allez-y. Oui, pardon, mais bien, ouais, fait, la brouette. Mais plus tard, bon, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, attendez. Ce ça me rappelle un poème. La fuite. Renaissance. Le début et la fin. J'attends la fin du poème et ensuite on peut continuer. Maman. On peut continuer. Non, madame, revenez, revenez. Je trébuche. Mais je comprends que vous vouliez emmener la X3000 pour un petit banc d'essai, mais il faut m'en informer avant, parce que regardez... Il faut m'en informer avant. Ça me rappelle un poème, mais qui n'a rien à voir avec le reste de l'histoire. C'est vraiment juste, il y a un poème que je me rappelle qui s'appelle comme ça. Il faut m'en informer avant de partir, maman. Avant de me laisser un panneau pour que je me tape la tête. Tape, tape, le bruit de tes pas qui s'en vont. Tape, tape, le bruit de ma tête sur le panneau. Tape, tape. Il faut me le dire avant, maman. Avant, maman. Si on peut continuer. Enfin, vous n'avez pas... Attendez, regardez. Vous avez simplement à ouvrir la pneumatique et maintenant... Allez-y, la vaporeuse est enclenchée. Regardez, ça va tout seul. Ah bah oui, ça roule tout seul. Mais oui. Ah bah oui, ça roule tout seul, ça me rappelle un poème. Ça roule. Ça avance. Et la vie, cependant, n'avance toujours plus. S'agirait-il d'arrêter ou de recommencer? C'est là que l'ours m'a dit « Mange ta tartine ». Merci, on peut continuer. Vous voyez, avec aucun autre modèle, vous n'aurez cette réactivité. Là, vous n'avez plus qu'à suivre votre... Regardez, allez-y, continuez un peu. Et c'est puis... vrai que c'est bien. Oh, mais prenez-les, vos 70 euros, prenez-les. Oh, bah merci. Écoutez, si vous voulez, j'ai aussi une pelle à infraction moléculaire. Oh. Ça, j'ai aussi une pelle à infraction moléculaire, ça me rappelle un poème. J'ai aussi une pelle à infraction moléculaire. Infraction moléculaire. Mais jamais ça ne comblera jamais le vide de mon cœur. Jamais ça ne comblera le vide de mon cœur. Et tu pars, tu pars sur le pneumatique. Oh, oh. Modernité vide de sang. C'est un impro. Il y avait une très belle chute après. Oui. Il a voulu prendre en vidéo. Genre, putain, j'aurais dû être en vidéo avant. Il y avait un beau travail de synchronicité. C'était la beauté de l'instant. Physique également. Mais oui, très tragédie grecque. C'est vrai. Très très quoi? Tragédie grecque. Ah, très jeune. Ah oui. Non. Okay, non. Non, c'est en deuxième. Judy grecque, ça je... Judy grecque. Voilà. Très... Très, très tragédie orthodoxe russe. Donc, eh bien, merci. Merci beaucoup. Pour donc, mais dis donc, oui. Is a Schnock City ici. Hein. Ah, pardon. Dis donc, hein, on va essayer d'arrêter de décrocher. Non, c'est pas décrocher. Ça fait plus de deux ans qu'on fait de l'emploi. Je fais, mais faire ça. Oh, je tombe. Pouf. Plof. C'était quoi le mot? Schnock City. Eh bien, j'espère que vous ne continuerez pas à Schnock City avec ce qui suit, mais c'est... Je vais faire du drame, t'inquiète. Ce sera à vous de décider, parce qu'après tout, moi, je ne serai pas dans l'impro qui va suivre. Ah. C'est une improvisation fond sonore. Yeah. C'est-à-dire que... Je vais te faire pleurer. Calme-toi. Elle a ponctué chacun des mots de la phrase. Finalement, c'est vous qui avez décidé. Mais si vous voulez le schnocker tout du long, ah c'est entre vous et votre conscience. Oui, hein. Non, enfin, je ne dis pas, je ne fais que constater. Oui. Donc, je vous ai trouvé un fond sonore. Votre impro commence au début du fond sonore et se termine quand le fond sonore est terminé. Pardon. Votre mot sera montagne. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Alors, montagne en fond sonore, attention, c'est parti. Tu vois que ça valait le coup de m'en venir. C'est vrai, j'avais tort, ça valait vraiment le coup de venir. Tu vois l'herbe ondoyée sur ce versant, sous le patchwork des nuages. Oh, et j'aime les pics des autres montagnes qu'on entreaperçoit. Ah, si seulement ta mère avait pu voir ces paysages. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on lui dirait si elle était là? Le monde est pour Tanou. Le monde est plein de cadeaux. Le monde est un cadeau. Le monde est un cadeau. La vie est un cadeau. Tu es un cadeau. Oui. Non, toi, tu es un cadeau. Moi? Mais oui, Fred, je sais que ces derniers temps, maman m'a beaucoup manqué, mais... Écoute, c'est toi mon cadeau. Et du coup, pour te remercier de tout ce soutien que tu m'apportes, je t'offre ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Une tortue de terre. S'il te plaît. Ok. Avec tout mon amour. Donc, tu me demandes pas de t'adopter? Non. Non. Non. Non. Ok, d'accord. Je dis que c'était bien une tortue de terre pour commencer. D'accord. Mais c'est pas que... Je t'ai élevé comme ma propre fille. Je t'ai recueilli. Je t'ai pourri gâté. Désolé, Fred, mais j'ai bientôt 18 ans. Je me dis... C'est symbolique, ok? C'est pas une question d'âge. Ok. Mais d'accord, c'est pas grave. En fait, au fond, en fait, je peux pas te forcer. Je peux pas te forcer à ressentir ça, c'est juste... Voilà, bon. Viens, on retourne au chalet. C'est... Fred ! Fred ! Quoi ? Si tu veux, on peut se dire que à partir de maintenant, je suis ta fille. Que grâce à cet échange de tortues, symboliquement, je suis devenue ta fille. Je veux bien. Je veux faire un câlin. Oh, attends, mon câlin ! Quel échec. Vous avez tenu presque sans snoquer jusqu'au bout. Mmh. Il a fallu que vous fassiez des sur la fin. Hicham ne s'excusera pas. Non. Alors, c'était la musique Road Trip de Eugène Gore. Gore. G-O-H. Gore. Ah ben, j'ai beaucoup aimé. Vibe Ghibli, mais... Mais oui, oui hein. Un truc de pété, ouais. Oui. Ça faisait vraiment genre... Le truc que j'ai dit, c'était le paysage que j'avais en tête. Mais oui, clairement, c'était très chouette. Je me suis dit, en plus c'est bien, avec ce qu'on avait eu plus tôt dans l'épisode, avoir un truc choupi, premier degré, mignon. Choupinou. On est d'accord que... Où est-ce qu'elle avait mis la tortue pendant ce temps? Elle avait mis dans son sac de trek. Oui. La tortue. Oui. Ou peut-être dans une Pokéball. Ou peut-être qu'elle marchait à côté de moi et c'est pour ça qu'on était très lent. Peut-être qu'elle marchait à côté de... La tortue? Oui. Ah oui, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'elle était sur une planche à roulettes. Vous étiez avec comme dans les BD. Dans les BD, il y a souvent comme ça des animaux lents sur des roulettes. Des sur des roulettes. Mais oui, en mais vrai. Je crois que dans Boule et Bill, il doit y avoir un gag comme ça. Il y a Caroline. Ça. Ouais, Caroline, exactement. Caroline, la tortue. Est-ce que parfois on la met sur une planche à roulettes? C'est possible. C'est pas impossible. Eh bien, en parlant de Boule et Bill, nous ouvrons... La section, je ne sais pas. La section suivante de on ce podcast. On parlait de BD nul. Les coups de cœur. Ouais. Alors, Iso, quel album de Boule et Bill est ton coup de cœur du jour? Moi, c'est le numéro 9. Moi aussi. Non, mon coup de cœur, c'est pour une personne qui crée des harnais pour personnes de tous les genres. C'est Teriel. Ah oui. Teriel est une personne qui fait des harnais de plein de couleurs différentes. Vous pouvez retrouver Teriel sur Instagram. J'en ai commandé deux. Ils sont incroyables, ces harnais. Et il y a aussi des colliers, des chokers. Et vraiment, l'avantage, c'est que c'est fait pour des gens qui ont poitrine, pas de poitrine, forme, moins de forme. C'est vraiment adapté à beaucoup de corps différents et réfléchis. Et surtout, ce sont des produits... Elle essaye vraiment de prendre des matériaux qui viennent de pas trop loin, si possible vegan. Donc vraiment, allez-y, c'est pour la planète, c'est pour l'art et c'est pour la modernité. Terriel, pour plus de harnais. Allez, huche. Merci. C'est des harnais pour des humains. Après, peut-être que c'est bah oui, c'est très bien ce que je dis. Ah oh. Et toi, Hicham, quelle espèce d'animal à qui mettre un harnais est ton coup de cœur du jour? Alors, moi, j'aime bien... Les tortues à roulettes. C'est vrai que peut-être qu'elle avait un harnais à la tortue, en fait. Peut-être. Ah, peut-être. Bien, moi, je vais vous parler de Peter Bjorn and John, qui est un groupe de musique dont je suis... j'apprécie le travail, je dirais. C'est un groupe de pop-rock suédois indépendant formé en 1997, donc il y a un paquet de temps. J'ai découvert ça en faisant le truc, je me suis dit, oh waouh, ils sont vieux. J'ai 26 ans. Ouais, 25-26 ans. Alors, ils en sont à 9 albums ou 10 albums produits, et j'ai 3 albums dont je suis très fan. Donc je peux vous parler essentiellement de ces 3 albums qui sont Gimme Some, qui est sorti en 2011, Breaking Point en 2016 et Darker Days en 2018. Je n'ai pas trop écouté le reste, mais voilà, ces 3 albums, ils sont vraiment très bien. Pour l'anecdote, un des titres du premier album, donc Gimme Some, s'appelle Second Chance, et en fait depuis je crois 2015 ou 2014, c'est la musique d'entrée pour les quand je présente des cages d'impro. C'est ma musique d'entrée. Jusqu'à ce qu'il soit détrôné il y a un an par Mr. Experience de Denis Bennett, dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps dans ce podcast. Mais donc je suis très attaché à ça, émotionnellement. Et comment est-ce que tu le décrirais en jargon musical? Moi, j'adore le jargon musical. justement, en fait, les 3 albums sont assez différents, je trouve, même si on sent la cohérence et que c'est vraiment fait par les mêmes gens. Gimme Some, c'est vraiment plus minimaliste dans l'instrumentation, c'est plus garage band avec des guitares, avec plein de reverb, un truc très nerveux, très très cru, et c'est vraiment plus rock, plus garage, vraiment garage direct et rock. Il y a Breaking Point, le deuxième, et il est vraiment très je sais pas, il y a un truc hymne de pop comme ça, très contagieux. Qui me donne une vibe un peu à la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et je l'ai prononcé avec Lonely Hearts Club Band des Beatles, où il y a un côté où c'est très ambitieux, il y a plein d'instrus, il y a plein de voix, il y a plein de trucs, c'est très conquérant, très dynamique, il y a plein de synthés partout, donc c'est vraiment très très chouette. Dans l'envie de chanter et de faire des harmonies partout, tout le temps. Ah, et ça, c'est important. Je suis ce salopard qui fait des harmonies tout le temps partout, au grand dam de toutes les autres personnes. Et le troisième album, Darker Days, il est beaucoup plus sombre. C'est marrant, c'est dans le titre de l'album, dans le nom de l'album, Darker Days, lol. Il est un peu plus solennel, un peu plus élégant, un peu plus, affûté comme ça, très. Il y a un peu un condensé des deux précédents où l'autre, il y en a un qui a plein de synthé, il y en a un qui est plus cru, ils ont fait un mélange. Sorte de compromis entre les deux qui est très très élégant, je trouve. Vraiment, les 3 albums sont vraiment très bien. Et donc pour moi, s'il y a au moins 3 albums très bien, c'est que le groupe est très bien. Et ça fait plein de musique à écouter si vous aimez bien le reste de ce qu'ils font. Et je trouve ça assez assez fascinant de voir comment un groupe se réinventer, et se donner des contraintes en fait qui donnent du coup des forces créatrices dans ce qu'ils font. Et avec des personnalités très différentes, mais tout en étant très cohérent. Notamment, en plus, bon, le mec qui chante, il a une voix très particulière, je trouve. Et un peu là où, par exemple, les Arctic Monkeys, on reconnaît les Arctic Monkeys, mais c'est vraiment très étrangement différent d'une fois à l'autre, à chaque fois. Et okay. Voilà. Donc, Peter Bjorn and John. Quelques morceaux à recommander des albums. Il y a Dig a Little Deeper, il y a Second Chance, ça c'est sur le premier album dont j'ai parlé. Sur le deuxième album dont j'ai parlé, il y a Nostalgic Intellect et It's Your Call. Et sur le troisième album, c'était très difficile. Il y en a vraiment plein qui sont très bien, mais je vais dire Every Other Night, Gut Feeling et Wrapped Around the Axle. Voilà. Trop bien. Mais de toute façon, tout sera en description du podcast. J'adore. Merci beaucoup. Pardon, c'était long. C'était long. Mais je n'arrive pas à faire des trucs courts. Non, mais je comprends. Au cœur s'emballe. Mon coup de cœur à moi, c'est pour Transbaguette. Alors, on dit parfois qu'on ne peut pas rire de tout, que les sujets LGBT+ sont trop premier degré, que blablabli blablablou. Et puis Transbaguette arrive, avec ses mèmes formidables, qui rit de ce que c'est parfois que d'être trans ou queer, qui se foutent de la gueule des terfs féministes, blablabla, et qui fait, mais alors, tellement du bien. Mmh. Donc Transbaguette, c'est un compte sur Instagram. Ce sont des mèmes autour des transidentités et de la queerness, et c'est vraiment trop de la balle. Merci d'être là, Transbaguette. Merci d'être là, H, qui est son nom. Et voilà, des bisous sur toi. Et à bientôt. C'est aussi sur Instagram ? C'est sur Instagram. Mmh. Oui, et ce sera en description. Et vraiment, c'est drôle parce qu'il y a aussi plein de moments où j'apprends des trucs. Par exemple, saviez-vous que quand on prend de la testostérone, la première chose qui pousse, c'est les poils du cul. Ah. Eh bien, moi, je le sais depuis que Transbaguette a fait un mème avec ça. Mais je pense que à croire que la leçon, c'est que c'est drôle quand c'est fait avec bienveillance. Voilà. Incroyable. C'est ça. Et c'est drôle parce que du coup, j'apprends beaucoup de choses sur les transidentités tout en me marrant beaucoup et en me disant « Ah putain, enfin quelqu'un qui comprend et effectivement qui le fait avec bienveillance et sans cliché. » Et ça fait vraiment trop du bien. Donc voilà, merci beaucoup Transbaguette. Merci. Eh bien... Et donc, Iso, parce que tu riais, tu connais Transbaguette ? Non, j'aime bien juste le nom. Le nom, oui. Transbaguette, je trouve ça fou. Le nom est très drôle, mais je t'ai déjà vu partager ça. Donc mais baguette, je pense que c'est le mot de 2022 aussi. Tout le monde dit baguette, baguette, baguette. Oui, oui, baguette. Baguette. Mais enfin... baguette. Baguette. J'ai une référence, je fais une référence à un truc en particulier. Ah, est-ce que c'est Yakita Tate Japan ? Non, Flight of the Conchords. Ah non, ça j'ai pas. J'ai une transition possible avec le U-tip. Ah. Oh. Vas-y. Vous voulez qu'on puisse manger des baguettes à volonté ? Qu'on ait de l'argent un petit peu pour se nourrir, s'il vous plaît ? Allez sur notre Utip et versez-nous de l'argent. Voilà. Moi, je me disais, voilà. On va faire un Utip tout en harmonie et tout. Mais c'est bon mais aussi, c'est bien, vas-y. Voilà, c'est fait. Ben merci. Non, mais merci, c'est bien. Parfois, vous prenez basic le relais baguette, de ce Utip. Hein. Basic baguette. Basic baguette. Au-delà de ça... Oui, au-delà de ça. Si vous voulez nous suivre et si vous voulez nous référencer, abonnez-vous, parlez de nous à vos amis, aux gens autour de vous. Partagez nos publications et nos épisodes sur les réseaux sociaux, etc. etc. Mais... Et on veut manger. Merci. Ouais.